pris sur le vif. Écoutez. Alors, c'est ton dernier jour en France? Tu es content de repartir à Milan? Je resterai bien encore. Tout le monde a été si gentil avec moi. Allez, ce n'est pas le moment de s'attendrir. C'est le moment de trinquer. À la tienne, Carlo. À votre santé à tous et merci de votre accueil. Si vous venez en Italie, j'espère que vous passerez me voir. D'accord, mais tu ne m'as pas donné ton adresse. Michel là, il pourra te la donner. En tout cas, moi, tu es sûr de me voir débarquer dans l'été. J'y compte bien. Répétez. Alors, c'est ton dernier jour en France? Tu es content de repartir à Milan? Je resterai bien encore. Tout le monde a été si gentil avec moi. Allez, ce n'est pas le moment de s'attendrir. C'est le moment de trinquer. À la tienne, Carlo. À votre santé à tous et merci de votre accueil. Si vous venez en Italie, j'espère que vous passerez me voir. D'accord, mais tu ne m'as pas donné ton adresse. Michel là, il pourra te la donner. En tout cas, moi, tu es sûr de me voir débarquer dans l'été. J'y compte bien.